Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter aujourd'hui l'émission enregistrée avec Joseph Chevanec en mai 2018, Nos intelligences multiples, comment mieux intégrer les personnes autistes. On commence avec Peter Pan, Henri Salvador. Ce joyeux lutin à l'œil malin, Peter Pan, s'est volé dans le ciel à tire-d'aile. Peter Pan, c'est le héros de tous les enfants qui rêvent de lui en s'endormant. Au milieu de la nuit, ils partent avec lui vers les étoiles. C'est dans une île enchantée qu'il vient flâner. Peter Pan, la fée Clochette, son amie, veille sur lui. Peter Pan, car il se bat contre les méchants, il vole au secours des innocents. Dans le soleil, il descend du ciel et soudain bondit sur son ennemi. Et la peau capitaine Crochet, tombant du bateau des flibustiers, patauge lamentablement dans l'océan. Bonjour Joseph Chevanec. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Je suis ravie de vous y accueillir. Vous êtes docteur en philosophie à l'EHESS, auteur d'un éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez, de chroniques de voyage en autistan. Vous êtes par ailleurs chroniqueur sur Europe 1 et sur la RTBF en Belgique. Et vous faites paraître un ouvrage qui s'appelle « Nos intelligences multiples », un ouvrage passionnant qui envisage les différents types d'intelligence aux éditions de l'Observatoire. Et on trouve, page 52, une description de ce que vous appelez le syndrome de Peter Pan, lequel, dites-vous, frapperait les garçons, en particulier autistes, qui refuseraient de vivre dans le temps, c'est-à-dire avec les us et coutumes des jeunes de leur âge. C'est la meilleure façon de décrire un des traits caractéristiques des garçons autistes, c'est de faire le parallèle avec Peter Pan. Merci. Je pense que le terme de syndrome de Peter Pan n'est pas de moi. Il est de certains psychiatres, psychanalystes qui n'osent pas ou ne veulent pas faire de diagnostic d'autisme. Donc parfois, ils esquivent le problème ou la question en parlant de choses diverses. Telles que le syndrome de Peter Pan, là où ils sont coincés, c'est que, paraît-il, ils ne peuvent pas la poser concernant les filles autistes. Donc, voilà. Mais au-delà de cette anecdote qui trahit, je dirais plutôt une forme d'ignorance de l'autisme, encore plus qu'autre chose, je crois que dans l'histoire de Peter Pan, il y a un personnage qui me parle beaucoup, c'est le capitaine Crochet. Pas forcément dans la version Disney, qui est toujours très retouchée, modifiée, mais c'est un peu une résurgence de ce mythe de ces marins bizarres qui partent quelque part, qui partent vivre sur des navires, les fameux bateaux fantômes, les capitaines fantômes, pour les amateurs d'opéra, le Hollandais volant ou autre chose. On retrouve ces mythes un peu partout à travers le monde. Et ma petite idée, c'est, je crois que derrière ces mythes, il y a souvent des histoires vraies. Souvent, je pense, des histoires d'autisme. J'ai pu rencontrer, pas forcément directement ces capitaines de vaisseaux fantômes, mais du moins certains lieu où il y avait de ces bateaux qui ne sont un peu de nulle part et qui errent à travers les océans, notamment le Pacifique. Cela existe. Souvent, dans les légendes, il y a un fondement réel. Mais l'expression même de syndrome de Peter Pan, vous l'avez dit, qui a été forgée pour essayer de comprendre certains cas d'autisme qui ne s'appliqueraient qu'aux garçons, est emblématique de la difficulté qu'a la science, mais même peut-être la société en général, à décrire ce phénomène qu'est l'autisme en employant les mots particuliers, de parler de syndrome d'Asperger quand c'est le cas, de parler d'autisme quand c'est le cas. Il y a un décalage entre le vocabulaire employé et la réalité que vous vivez au quotidien, que vous décrivez extrêmement bien dans vos ouvrages. Oui, alors ce décalage n'est pas universel, il est spécifique, je dirais, à la France. Le fait que les professionnels ne soient que peu formés à l'autisme, cela entrave évidemment le diagnostic, notamment le diagnostic, par exemple, des adultes autistes, parce qu'on parle toujours des enfants, et le diagnostic des femmes ou des filles autistes, parce qu'on n'avait pas réellement envisagé ce cas de figure. Donc, vous voyez, on part de très bas, malheureusement. Mais vous avez choisi d'en parler, vous vous présentez même comme militant autiste, comme s'il y avait ce combat à mener. Mais vous savez, cela fait déjà tant d'années que tous les jours, je vais de village en village, de ville en ville pour parler du handicap. Hein. C'est ma vie, c'est une sorte de vie de saltimbanque, une vie d'errance. C'est pour cela ou à cause de cela que j'ai sacrifié ce qui devait être à l'origine mon métier, à savoir donc d'être prof de philo. Voilà. Mais je pense que j'ai été gratifié d'une autre façon parce que j'ai eu la chance de rencontrer tous les jours des personnes tout à fait hors du commun. Et dans le monde de l'autisme, je pense que c'est presque une phrase ésotérique, hein. Les meilleurs sont cachés. Mmh. Hein, voyez. Donc ce ne sont pas forcément ceux que vous trouverez en tapant autisme dans votre moteur de recherche préféré et qui sont les plus intéressants. Voyez. Il faut un peu de recherche personnelle. Hein. Et c'est un peu tout le charme peut-être de l'autisme, c'est que même dans une société qui se présente comme très transparente, avec certains réseaux dits asociaux, ou peu importe le terme que vous utilisez, eh bien, qu'il y ait toujours cette dimension de mystère, hein, telle qu'elle a pu exister dans le haut Moyen-Âge, par exemple. Et donc, l'être humain demeure beaucoup plus intéressant, beaucoup plus secret qu'on ne le croit parfois. Vous vouliez être prof de philo ? J'avais fait quelques études dans cette direction. Ensuite, est-ce que les études rendent philosophe? Je ne le sais pas. Et vous aviez travaillé sur Heidegger, je crois. C'était, je pense, un prétexte pour apprendre des langues, pour voyager. On peut utiliser les thèses à d'autres objectifs que la thèse, on va dire, au sens strict. Parce qu'en plus d'avoir une formation de philosophe, vous parlez beaucoup de langues, combien? Ça n'a pas de sens de donner des chiffres. Ah bon? Mais l'important, c'est ce processus de découverte de l'autre. Mmh. Et ensuite, le chiffrage n'a aucun sens parce que est-ce que vous comptez, par exemple, des formes dialectales et à partir de quel seuil vous comptez cela? Ce qui montre qu'il y en a beaucoup quand même, alors. Mais d'une certaine façon, et c'est toute la question de la compétence linguistique dans l'autisme, vous pouvez être un expert ou une experte de la formation de l'aoriste sigmatique en sanskrit védique, être considéré comme un débile absolu par tout votre entourage, ne pas avoir de RSA parce que on vous en juge indigne. Voyez, ce sont deux choses totalement distinctes. L'aptitude à la verbalisation n'a rien à voir avec l'intelligence de la personne. Si vous en voulez une preuve ultime, si j'ose dire, regardons nos hommes politiques. Ils parlent beaucoup, mais s'agit-il d'une preuve d'intelligence? La question est ouverte parfois. Hein, pardon, je le dis sur un ton badin. Hein, mais il faudra un jour se demander sérieusement pourquoi il n'y a pas d'autiste en politique. J'ai mes quelques petits éléments de réponse. Parce qu'il serait plus intelligent? Non, mais parce que la politique exige un ensemble de traits de comportement qui sont aux antipodes même de l'autisme. La rhétorique, une maîtrise de je dirais le langage. Mensonge, la magouille, la tromperie. Bon, je dis de façon plus méchante, mais je pense pouvoir parler en connaissance de cause. J'ai été au service des princes pendant de longues années. Mais ce que je veux dire par là, contrairement à un dicton populaire, les hommes politiques ne sont pas autistes, c'est même tout l'inverse. On en avait un qui nous assurait « je ne suis pas autiste, je ne suis pas autiste ». Mais il avait raison, et nous avons bien pu le constater d'ailleurs. Bon, je le dis ça à tout mon cœur. Mais pour comprendre l'autisme, on peut inverser le paradigme politique, pour ainsi dire. Ce que j'ai trouvé passionnant dans votre ouvrage, Nos intelligences multiples, c'est que vous posez la question de savoir ce que signifie être intelligent, et qu'à cette question, vous proposez différentes réponses. Vous aidez notamment de Gardner, pas Ava Gardner, mais Howard Gardner, qui distingue différentes formes de l'intelligence, l'intelligence pratique, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle, et vous analysez les types d'intelligence qui sont de vigueur aujourd'hui, dans notre univers qui est de plus en plus virtuel de par l'utilisation d'Internet. Et vous dites finalement qu'on pourrait considérer l'autisme comme un certain type d'intelligence qui serait moins adapté que notre à l'ère de l'intelligence qui est celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parfaitement. Mais d'où vient la notion de test de QI? On avait demandé à un certain Binet de faire un critère, entre guillemets, formel ou mathématique d'apparence sérieuse pour déterminer quels enfants iraient à l'école générale et ceux qui iraient dans les écoles dites spéciales, c'est-à-dire pas d'école du tout, hein, pour se dire un peu brutalement. Et donc, dès le départ, le critère était un critère d'élimination. Et jusqu'à ce jour, on retrouve cette notion-là. On a une échelle de classement. Si vous êtes mal classé, vous serez éliminé. Et vous avez cité au tout début l'exemple ou le cas du syndrome d'Asperger. Il faut savoir que Hans Asperger, ou plutôt Johann Asperger de son vrai nom, qui donc avait fondé un peu sur un plan médical ce syndrome-là. Donc il n'avait décrit que certains enfants de sa clinique viennoise. Mais pourquoi? Ce n'était pas par choix. C'est que tous les autres enfants autistes avaient été gazés ou éliminés par les nazis. Ils n'avaient décrit que ceux qui restaient en vie. Et dans ces textes, ces discours, ces lettres, ils s'adressaient souvent aux potentats du parti nazi. Ils disaient toujours, ces enfants, donc syndrome d'Asperger, sont des petits génies en cryptographie, en code. Ils rendraient d'éminents services à la Wehrmacht, etc. C'était sa façon de les sauver ou de les préserver. Le plus triste, c'est qu'en 2018, on est toujours dans le même schéma. On a toujours cette idée mentale qu'il y a d'un côté les petits génies ou prétendus tels en informatique à qui on donnera éventuellement un petit boulot et une bouchée de pain, et les autres qui sont voués à la poubelle, c'est-à-dire qu'on enfermera dans ces établissements au fin fond des départements ruraux pour ne pas les voir en ville. Et finalement, on en est toujours à ce schéma-là, hérité des âges les plus horribles, peut-être. Et ça, c'est terrifiant quand on y songe. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé de l'autisme. Le mois dernier, l'autisme, le phénomène même de l'autisme, les descriptions sur l'autisme étaient présents beaucoup dans la presse, dans les médias, etc. Mais et vous pensez que c'est impuissant à faire changer la représentation que nous avons? En quoi le matraquage médiatique changera le sort de mes amis qui vivent enfermés dans des cages, dans des établissements au fond des bois, bourrés de neuroleptiques? Je peux peut-être en parler d'une part parce que j'ai moi-même été sous camisole chic pendant des années. D'autre part parce que certains de ces établissements, je les connais, je les visite. Comment se fait-il qu'en France, il y ait ce système-là? Là où dans certains départements, il y a plus de personnes handicapées que de gens valides. Ce n'est pas que ce département serait accidentogène à l'extrême, c'est juste qu'on y a parqué toutes les personnes qu'on ne voulait pas voir en ville. Les villes françaises se démarquent, par exemple, de Copenhague ou d'autres villes par l'absence visible de personnes handicapées dans les rues. Ces gens-là existent, mais ailleurs. Donc c'est ma seule pudeur qui m'empêche d'utiliser le terme « apartheid ». Comme vous le savez, c'est un mot français, un maintien à part d'une certaine catégorie de gens. Je pense qu'il est plus que temps en 2018 de sortir de ces logiques et d'envisager une vie correcte, digne pour tout le monde. Pourquoi faudrait-il être un prétendu petit génie en informatique pour avoir une vie correcte? Par exemple, les gens autistes passent pour bizarres. Donc, par exemple, les policiers les arrêtent, on passe pour des drogués parce qu'on se conduit bizarrement. Alors, j'ai un privilège parce que souvent l'un des policiers me reconnaît. Ah, c'est le monsieur de la radio. Ah, au revoir, tout va bien. Mais pourquoi faudrait-il avoir, je dirais, ce entre guillemets statut qui est en fait de la poudre aux yeux pour, je dirais, se sortir d'un contrôle de douane ou de police sans trop de dommages? Mais cette suspicion, on la voit et beaucoup de gens en font l'expérience, dès lors que les comportements sortent de ce qu'on appelle la norme. Tout à fait. Le terme même d'autisme désigne une certaine catégorie de ceux que la société va juger anormaux. Il y a ce que vous dites concerne à la fois les autistes, mais même les personnes qui sont, disons, non conformes à la norme de la société. Tout à fait. Je pense que l'une des expériences les plus intéressantes qu'il me soit donné de faire, ce sont les événements transhandicap où il y a toutes sortes de personnes et toutes sortes de handicaps ou toutes sortes de spécificités. On retrouve tant de points communs. Par exemple, exemple, j'ai une amie autiste, Julie Daché, qui est également militante féministe. Et elle explore un peu tous ces liens entre les concepts issus de la théorie féministe et sociale universitaire américaine, hein, qu'on se dise les choses. Et elle constate qu'on peut tout à fait les appliquer dans le monde de l'autisme. Et c'est absolument saisissant. C'est une idée, une invention géniale qu'elle a eue, à mon avis. On retrouve en effet tant de choses. Hein. Et d'une certaine façon, vous savez quoi, il y a une solidarité des exclus. Hein. Une amie autiste m'avait posé une colle une fois. Elle m'avait demandé quels sont les seuls enfants qui ne se moquent jamais des enfants autistes. La réponse, c'est ce sont les enfants trisomiques. Et c'est d'une grande justesse. Simplement, les gens n'y ont pas pensé. Et là, par contre, ça devient terrible, et pardon, il y a toujours ces idées lugubres qui me viennent à l'esprit. Les personnes trisomiques en France sont éliminées à 97%. Ouais, c'est la statistique. Le jour où un test de dépistage génétique de l'autisme sera au point, ça peut tomber très vite. Qu'est-ce qui adviendra? Voyez, donc ce sont des questions réelles, je dirais, qui se posent à nous et qu'on ne peut pas esquiver par, je dirais, l'invocation d'une autorité médicale. Hein. Ce sont des sujets qui ne relèvent pas, je dirais, de la guérison médicale. D'ailleurs, le terme qu'on retrouve dans presque tous les chapitres de votre livre, c'est celui d'homogénéisation. L'homogénéisation du monde, du langage, et finalement, ce que vous dites, vos réflexions sur l'autisme réfléchissent sur une certaine organisation du monde tel qu'il va aujourd'hui dans sa dimension politique, sociétale et culturelle. Oui, tout à fait. Peut-être que je suis passéiste, j'ai des tendances un peu à être rétrograde, mais je ne peux pas m'empêcher de songer que naguère, il y avait par exemple le métier de berger, un métier que l'on pouvait exercer en étant non-verbal ou peu-verbal, sans avoir besoin d'avoir un diplôme d'études bergéologiques supérieures appliquées. Je me moque un peu, mais voyez, ou aussi dans chaque monastère, il y avait le entre guillemets simple d'esprit. Hein. Il y avait des options qui de nos jours n'existent plus vraiment. Donc d'une certaine façon, la société est devenue plus dure, plus normative, avec des gens un petit peu étranges ou inhabituels. Et je me demande où ça va aller. Quand vous vous rendez compte des conditions de vie catastrophiques de l'immense majorité de mes amis autistes adultes, la température moyenne dans la piole d'un adulte autiste en hiver est d'environ 13 degrés, hein, d'après des estimations rapides, faute de moyens pour se chauffer. J'en connais beaucoup qui vivent sans eau ni électricité. Beaucoup deviennent clochards ou sont clochardiers. Je pourrais vous citer de mémoire une liste longue comme un jour sans pain de personnes autistes porteuses d'un diplôme de doctorat et qui sont soit à la rue, soit en voie de lettres. Mais parce qu'ils sont abandonnés par leur famille? À partir d'un certain âge, hein, c'est la réalité humaine. Hein, les liens familiaux deviennent, je dirais, moins forts. Hein, c'est, je dirais, le parcours de vie normal. Hein. Simplement, les gens non autistes, en général, trouvent d'autres astuces pour se raccrocher ici ou là et construire de nouveaux liens familiaux, par exemple. Mais une fois que vous avez passé le cap d'un certain âge, quand on ne peut plus dire de la personne autiste, ah, il est mignon, oh, oh, elle est jolie, et bien ensuite, là, c'est vraiment là, souvent la catastrophe, les suicides. Hein, encore il y a deux jours, j'ai appris le suicide d'une camarade autiste, une de plus. Hein, j'ai perdu tant d'amis autistes par suicide, et ça, on n'en parle pas. Si vous cherchez dans les bases de données sur les publications scientifiques, autisme et psychanalyse, vous trouverez des milliers d'articles scientifiques ou prétendus tels. Autisme et suicide, vous trouverez zéro en langue française. Là, je pense que tout est dit. Y a-t-il un problème encore de diagnostic de l'autisme en France aujourd'hui? Assurément. Il y a beaucoup d'adultes hein, qui ne sont pas diagnostiqués, ça c'est sûr. Hein. Ou beaucoup ont des diagnostics farfelus, et je pense notamment aux femmes autistes. Alors, très souvent, elles sont désignées comme, on se croirait à l'époque du docteur Charcot, hein, hystérique, enfin, il y a de ça. Hein. Ensuite, il y a tout simplement beaucoup de gens autistes qui sont désignés comme l'infréquentable, en anglais on dirait creepy, hein, donc vraiment celui qui fait peur. Hein, voilà. beaucoup sont connus comme le clodo, le vagabond du coin. Mais la peur, c'est de mettre le terme sur une réalité, voilà, ou d'enfermer certains symptômes, justement dans ce terme, qui a quelque chose peut-être qui tendrait vers une forme d'essentialisation, de se dire mais non, c'est pas vraiment de l'autisme, c'est un peu autre chose. Y a-t-il des caractéristiques claires de l'autisme qui permettent de dire celui-ci est autiste, celui-ci ne l'est pas? Oui, tout à fait. Et je dirais même, à titre personnel, bon, il y a les critères scientifiques de diagnostic scientifique et ça, mais je dirais qu'à titre personnel, quand on fréquente un peu le monde de l'autisme, ça se voit. Vous pouvez, avec un peu de pratique, en regardant les gens, deviner avec une très bonne fiabilité qu'il est ou qu'il ne l'est pas. Alors évidemment, ce n'est pas le diagnostic médical, le scientifique, mais c'est, il y a, je dirais, un look, une apparence autistique, tout comme c'est le cas pour la trisomie 21, tout comme, par exemple, on reconnaît les Japonais aussi. Parfois, j'utilise l'exemple du Japon parce qu'il y a des liens culturels très intéressants entre l'autisme et la culture japonaise. Japonaise. Mais ah oui? Bon, il y a même des publications de recherche sur le sujet, c'est très frappant. Hein. Oui. Nous sommes reclus par nos habitudes, ayant eu notre lot de malheurs. Notre enthousiasme toutefois a perduré, malgré notre âge. Notre esprit chevaleresque restait vivace. Notre joie est de parcourir le monde dans un rêve plaisant, plutôt que d'être à nouveau secoué par ces rudes réalités. Nous sommes des alchimistes désireux d'extraire l'élixir de jouvence de la poussière et des cendres, d'adhérer la vérité en nombre de choses éthérées depuis le fond de son puits et de parvenir à quelque réconfort ou à un fragment de bien dans tous les éléments les plus banals et les moins remarqués de ce qui se passe sous la lumière de notre lampe. Esprit des temps passés, créature de l'imaginaire et gens de notre temps, compte également parmi les buts de notre quête. Et contrairement à ce que cherchent la plupart des philosophes, nous pouvons les faire advenir selon notre bon vouloir. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Joseph Chovanec qui vient nous parler de son dernier livre « Nos intelligences multiples ». Et c'est dans ce livre que j'ai découvert ce texte, Joseph Chovanec, que vous proposez en anglais. C'est vrai que bon, la langue anglaise est magnifique. C'est le texte de Dickens lui-même. Le texte s'appelle « L'horloge de Maître Humphrey ». Et vous dites que cette description est sans doute l'une des plus belles descriptions de l'autisme que la littérature connaisse. Oui, tout à fait. Donc, c'est un grand classique en littérature en langue anglaise. Donc, ce monsieur-là, quelque peu secret, hein, ouvre un peu des mondes. Hein. Il ouvre son cabinet de discussion autour de son horloge, évidemment. Et c'est souvent ce qu'on observe chez certaines des personnes autistes à qui on a donné la chance d'avoir une vie correcte. Ils ont souvent une faculté créatrice extraordinaire. Les difficultés, le handicap peuvent évidemment vous détruire, peuvent vous éliminer de la société humaine, mais peuvent représenter aussi une bénédiction sur le plan de la créativité. Mmh. Une très belle expression hébraïque, c'est à la fois une malédiction, une bénédiction, klala uvracha. Et je pense l'autisme, si on lui donne un cadre minimal, peut être un atout majeur pour notre temps, pour nos sociétés humaines. Lorsque, par exemple, vous avez une extrême sensibilité par rapport aux couleurs, eh bien, ça peut vous donner une inspiration nouvelle si vous êtes extrêmement sensible au bruit. Évidemment, on pourra vous enfermer à l'asile et vous bourrer de neuroleptiques. Mais aussi, vous pourrez devenir peut-être ingénieur dans un certain laboratoire de microphones de pointe. Il y a toujours les deux. Comment faire pour transmuer un peu les murs de pierre qui vous éliminent, qui vous excluent, ont des atouts, ont un édifice commun, pour parler de façon imagée. Je suis convaincu que c'est possible. Simplement, il faut connaître un peu les choses et il faut peut-être avoir une société qui soit plus inclusive, mais sur plan réel, pas simplement dans les discours. Le mot inclusion est très joli, les gens l'utilisent un peu comme une litanie, mais sans réellement le mettre en application. Et comment faire alors? Enfin, j'imagine bien que vous n'avez pas la solution, mais peut-être des esquisses de mouvements à suivre pour aller vers ce que vous décrivez. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des options professionnelles, personnelles, pour des profils bizarres. Parce que, après tout, est-ce qu'on peut être créatif si on est normal? La question est peut-être provocatrice, mais elle est réelle, à mon avis. Si on est normal, on consacrera sa vie, son temps, son énergie vitale, pour ainsi dire, à passer du bon temps avec des amis, à festoyer. Normal, vous voulez dire adapté à la société? Ouais, socialement normal, on va dire statistiquement normal, vous voyez. Et par contre, si on est anormal, si j'ose dire, si on a d'autres envies que la socialisation immédiate, eh bien, on se consacrera, par exemple, à l'étude des nuances de bleu. Ça, c'est un sujet d'étude qui passionne beaucoup de mes amis autistes. Quelle nuance de bleu est la meilleure, hein? D'autres se passionneront, par exemple, par la rédaction de leur 200 millième article Wikipédia ou autre. Vous voyez? Donc, une fois, on avait demandé à une camarade autiste et wikipédienne, c'est presque un pléonasme que ces deux termes. Pourquoi ou comment faisait-elle pour avoir écrit tant de dizaines de milliers d'articles techniques et scientifiques, gratuitement évidemment? Donc la réponse était, mais c'est simple, au lieu de consacrer votre temps et votre énergie à, par exemple, aller en boîte de nuit, faites ce qui vous passionne, hein. D'autant plus que la boîte de nuit, c'est une escroquerie, ce n'est pas une boîte avec de la nuit dedans. Donc, je n'y suis jamais allé, je n'aime pas les escroqueries. Voilà. Mais, voyez, bon, je le dis de façon un peu taquine, mais pour vous dire que finalement, les gens autistes et non autistes sont des humains. On est humain avant tout. Ensuite, tout est une question, je dirais, de tendance personnelle à ceci ou cela. Il faudrait que notre société accepte la possibilité d'une pluralité, je dirais, de penchants humains. Ce qui implique de mettre en œuvre des procédures, c'est le terme, et celui qui s'applique, qui soit quasiment individuel, au cas par cas, en fait. Parce que l'avantage de la norme, et je ne dis pas du tout ça pour la justifier ou l'excuser, c'est qu'elle peut s'appliquer au plus grand nombre, précisément. Oui, mais méfiez-vous, parce que, en fait, personne n'est tout à fait normal. Mais voilà, mais c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que quand vous disiez normal, les gens normaux, j'ai tiqué. Disons que la norme procède toujours en excluant un petit groupe. C'est ça. Et petit à petit, ça se durcit. Et qu'elle est normative, c'est-à-dire qu'elle fait croire à certaines personnes. Ouais, exactement. Et l'une de mes pensées terrifiantes, c'est quel sera notre avenir commun, hein, à quoi ressemblera le monde dans quelques années. Je ne suis pas très vieux, mais j'ai souvenir de certaines choses qui étaient tout à fait possibles il y a quelques années, qui étaient tout à fait autistiques, qui ne le sont plus comme à présent. Quoi? Par exemple, beaucoup de gens autistes aiment marcher avec un gros sac à dos pour des raisons sensorielles, et puis vous pouvez y avoir tout ce dont vous avez besoin, hein, depuis le compteur GG, etc. De nos jours, vous ne pouvez plus marcher avec un gros sac à dos, aller au bureau de poste ou dans les magasins, vous voyez, ce n'est plus possible. C'est vrai. Voilà. Bon, c'est un exemple simple, mais il y aurait beaucoup d'autres exemples potentiels. Un autre exemple que vous prenez dans votre livre, votre goût pour les mots, la sonorité de certains termes qui parfois vous donnent même envie de voyager. On a trouvé ce même exemple dans un film qui s'appelle Mary and Max, un film australien réalisé par Adam Elliott, qui date de 2009. Est-ce que vous allez au cinéma? Est-ce que vous avez vu ce film? Oui, j'ai vu ce film. C'était, je crois, la dernière fois que je suis allé au cinéma. C'était une amie psychologue qui m'avait forcé à aller voir ce film, que je ne vais pas au cinéma. Premièrement, je n'ai pas le temps. D'autre part, il y a la foule, il y a le bruit. Je ne comprends rien en film moderne. Donc, ce n'est pas vraiment pour moi. Bon, on écoute un extrait quand même de Mary and Max. Tu aimes le mot kumquat? C'est une variété de fruits. Y a-t-il un mot dont tu aimes particulièrement la sonorité? Mes cinq préférés sont onguent, bourdon, Vladivostok, banane et testicule. J'ai aussi inventé des mots nouveaux. Troublouillé, c'est être troublé et embrouillé à la fois. Neigeasse, qui est un mélange entre la neige et la bouillasse. Et les écrabouillables, qui sont les aliments écrasés qu'on trouve au fond du sac. J'ai envoyé une lettre aux gens du dictionnaire Oxford, leur demandant d'y inclure mes mots. Mais je n'ai pas eu de nouvelles. C'est maintenant l'heure que j'aille à ma réunion des hyperphages anonymes. Il y a une femme là-bas qui s'appelle Marjorie Buttersworth qui me troublouille. Elle m'embrasse, sans ma permission. Alors ce soir, j'ai décidé de me frotter des oignons sous mes aisselles pour la faire fuir. Alors l'histoire de Marion Mac, c'est l'histoire de Marie qui est une petite fille australienne âgée de 8 ans. Elle décide de se trouver un correspondant au hasard dans l'annuaire de New York. Et bien ce correspondant, ce sera Max Horowitz qui a 44 ans, qui est atteint du syndrome d'Asperger. Ils entament cette correspondance. J'imagine que pour vous, il y a toujours quelque chose de peut-être de douloureux à voir comment les personnages autistes sont représentés dans la fiction, Joseph Chevanec, non ? Est-ce qu'on tombe dans la caricature très vite ? Dans l'espèce, dans le cas d'espèce, le film Marion Max est très juste scientifiquement. D'ailleurs, c'est simple, c'est un film américain, le public américain connaît l'autisme, très difficile de leur raconter des bêtises, hein, bah, sinon ils protesteraient. Il y a une telle différence entre la société française évident, et américaine. Hein, tout le monde connaît l'autisme au Canada, quand vous allez au restaurant, le garçon de café reconnaît que vous êtes autiste, il y a une table préparée à l'aéroport, tout le monde est formé à l'autisme. Bref, passons sur ce détail. Mais ce que je veux dire dans le film Marion Max, je crois qu'il y a un petit secret, hein, c'est une opinion personnelle, mais je crois c'est Mary qui ensuite devient psychologue, qui, à mon avis, est également concernée par l'autisme. Bon, c'est un avis personnel. Disons que on ne devient pas spécialisé dans l'autisme par hasard. C'est la phrase d'un ami psychiatre que je trouve très juste. Mais bon, façon, mais en tout cas, ce sens des mots, hein, il est absurde. Central. Vous avez vraiment, vous avez eu raison de le soulever. Parce que chez beaucoup de mes amis autistes, il y a cette quête, je dirais, d'un mot juste qui serait agréable, euphonique par sa sonorité. J'ai des amis autistes qui, par exemple, refusent de descendre à une station dont le nom est dysphonique, donc pas joli à l'oreille. Mais aussi, il y a le cas de Tolkien. J'en parle un peu dans le livre. Tolkien, en fait, dans sa vraie vie, avait un centre d'un tel secret qu'il appelle son vice secret, qui était la création de langues personnelles pour lui-même. Et ensuite, il regardait les gens autour de lui pour tenter de deviner qui faisait la même chose. Et là, l'une de ses œuvres, justement, Vice secret, est consacrée à ça. Lecture extraordinaire, hein, où on se reconnaît beaucoup, hein, ça dit au passage. Je suis tombé il y a quelques heures sur un site web dont j'ignorais tout. C'est un site web qui est destiné à rendre justice au verbe défectif. Parce que, comme vous le savez, dans la langue française, il y a des verbes qui ont une conjugaison complète, et il y a des verbes dont la conjugaison est partiel, les verbes dits défectifs, qui tombent d'ailleurs en désuétude pour la plupart. C'est une injustice flagrante, et donc il y a des gens qui luttent pour rendre aux verbes défectifs toute leur conjugaison. Et c'est donc un site web, je ne sais pas qui est derrière ça, mais à mon avis, ça sent les gens de chez nous. Hein. D'ailleurs, ils ont baptisé leur club le club inutile, là au moins. Ils sont fixés, pour ainsi dire, hélas. Mais c'est vrai, de certaines façons. Par exemple, d'une perspective d'enfantiste, il peut être considéré scandaleux que certains verbes ou mots du dictionnaire ne soient plus usités. Que le verbe « souloir », par exemple, ne soit plus employé. Pour certains de mes amis autistes, c'est scandaleux, c'est choquant. Et donc, le sens de la justice des personnes autistes est parfois extrêmement fort et je serais toujours épaté par ce sens de la justice des gens autistes. Y compris appliqué au langage. Parce que vous dites, d'un côté, il y a une inadaptation des gens autistes à une certaine utilisation rhétorique de la langue. Oui. Mais de l'autre, cette grande attention, cet amour même de la sonorité, du choix des mots. Mais pour le dire de façon provocatrice, celui qui a inventé la clause Molière, c'était un crétin. Parce que si quelqu'un parlait réellement comme Molière, c'est celui-là qui serait exclu de l'école ou de l'emploi. Et je ne parle pas d'un cas fictif. Je connais, j'ai des amis autistes qui ont appris le français avec Molière et Racine, qui s'expriment donc en conséquence. À titre personnel, j'ai appris le français ou le langage avec Jules Verne. Donc certes, mon français est peut-être quelque peu dépassé, sinon désuet, mais néanmoins compréhensible. Mais en revanche, si vous êtes une jeune personne qui, au collège, répond à des agresseurs en casquette de tempérer vos ardeurs, eh bien, c'est vous qui serez exclu. Et c'est là qu'on entre dans l'univers véritablement des situations scandaleuses. Comment se fait-il, en fin de compte, que ces enfants, qui sont peut-être parmi les tout derniers à s'intéresser réellement à ce que l'école veut enseigner, comment se fait-il que ces enfants-là soient les premiers exclus? Là, je ne comprends plus rien. Mais bon, il y a beaucoup comme ça de situations choquantes. Tout ce que vous dites sur le langage est passionnant et laisse songeur parce que quand vous dites que certains mots, que vous avez parfois fait des voyages parce que certains noms de pays vous donnaient envie de voyager, on pense, et d'ailleurs vous le citez, à Proust qui dans Du côté de chez Swann, nom de pays, le nom, ne dit pas autre chose. Il dit ceci, même à un simple point de vue réaliste, les pays que nous désirons tiennent à chaque moment beaucoup plus de place dans notre vie véritable que le pays où nous nous trouvons effectivement. Sans doute, si alors j'avais fait moi-même plus attention à ce qu'il y avait dans ma pensée, quand je prononçais les mots « aller à Florence, à Parme, à Pise, à Venise », je me serais rendu compte que ce que je voyais n'était nullement une ville, mais quelque chose d'aussi différent de tout ce que je connaissais, d'aussi délicieux que pourrait être pour une humanité dont la vie serait toujours écoulée dans les fins d'après-midi d'hiver, cette merveilleuse inconnue, une matinée de printemps. Oui. Vous dites exactement la même chose à votre façon. Je ne parviendrai pas à le dire de façon aussi esthétique et onirique. Bon, mais c'est Marcel Proust, personne n'écrit comme lui. Néanmoins, je pense que qu'on se dise les choses très clairement, l'une des raisons de mes voyages, j'ai encore quelques moments dans l'année de liberté où je puis voyager selon mon gré. L'un des motifs de ces voyages, c'est la quête de certains lieux, certaines sonorités. Par exemple, j'essaie d'apprendre l'arabe depuis quelques années. Là-bas, ce qui est bien, c'est qu'il y a une tradition poétique. Donc les lieux, les noms de lieux sont liés à des poèmes du temps ancien. Et je suis fasciné en quête un peu de ces choses. Ensuite, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, vous devrez dissimuler la vérité au douanier. Parce que si vous demandez pourquoi vous venez, vous ne pouvez pas dire parce que j'adore la sonorité du nom de l'aéroport, par exemple, Hawari Boumediene. Ça, vous ne pouvez pas le dire. Et sinon, on vous renverra chez vous ou on vous mettra à l'asile. Donc, il faut apprendre, je dirais, à la fois à suivre ses penchants, sa quête esthétique, mais à savoir la maquiller ou la retoucher. C'est extraordinairement complexe parfois. Et jusqu'à quelle contorsion on est conduit ou amené pour pouvoir vivre de façon plus ou moins correcte, invraisemblable quand on y songe. Vous avez employé le terme d'esthétique, c'est vrai que la façon que vous avez d'en parler dans votre rapport au voyage a un côté vie d'artiste en fond, c'est être avoir pour cause première à son mouvement eh bien un intérêt esthétique, un intérêt sonore, un intérêt pour le langage. Mais j'allais dire malheur à ceux qui ont un trop bon emploi, une trop belle maison, parce que si vous avez ces choses-là, vous ne serez jamais poussé sur les routes du monde. Alors évidemment, je ne suis pas naïf. Je sais que la plupart des vies d'errance finissent mal. Je ne suis pas bête. J'ai pu hélas le constater. Mais néanmoins, dans certains cas, suite à des combinaisons extraordinaires de circonstances, cela peut marcher. Donc, comment faire pour, je dirais, abaisser ce plancher de survie? Comment faire pour permettre à plus de personnes autistes de contribuer à réenchanter notre monde? Et permettez-moi de dire que je suis très inquiet par rapport aux procédures universitaires, aux évolutionnistes en cours. Je pense que ces dernières décennies, l'une des grandes évolutions de l'université aura été la mise à l'écart des personnes autistes. Traditionnellement, l'université, notamment l'université allemande, c'était la maison des autistes, la maison des gens bizarres qui sinon n'auraient pas de place dans le monde. Sauf qu'à présent, avec toutes sortes d'évolutions, le paradigme s'est inversé et les gens autistes, les amis autistes ne trouvent plus leur place à l'université. Est-ce que je peux ajouter que le niveau général s'en ressent? Peut-être méchant comme phrase. Mais pourquoi l'université en particulier? Parce que c'est le système scolaire français en général qui est inadapté à l'autisme. Oui, ça c'est encore notre débat. En effet, la non-formation des enseignants à l'autisme en France est un scandale. On essaie de faire ce qu'on peut pour y remédier, mais la partie est très loin d'être gagnée. Mais sur, je dirais, une perspective de plus long terme, pluriséculaire, hein, au Moyen-Âge, c'est un pari personnel. Si j'avais vécu au Moyen-Âge, je serais sans doute devenu mancopiste. Cela correspondrait sans doute à mon tempérament. Hein. Pour les amateurs de vieillerie, Isidore de Séville, ça a vraiment un profil autistique. Hein. Bon, on peut en parler pendant très longtemps. Hein. Mais ensuite, ce rôle traditionnel des monastères a été un peu repris par les universités. Donc quand vous étiez quelqu'un de bizarre, pas souvent physiquement maladroit ou maladroite, eh bien il y avait des options, entre autres le monde universitaire, hein, pour les passionnés de bizarrerie, etc. Et je pense que l'essor fabuleux de l'université allemande au 19e siècle aura reposé sur ce coup de génie qui était de donner une place à des gens bizarres en leur permettant de faire ce qu'ils voulaient avec des gens comme Otto Hazard, Mommsen, l'historien qui a écrit 200 000 articles scientifiques dans sa vie. Mais vous vous rendez compte, 200 000 articles scientifiques décrits dans une vie. Enfin, ce type de gens-là avait une place, avait un cadre, je dirais, vital minimal pour produire leurs choses. Maintenant, ce n'est plus vraiment le cas. Mais vous écoutez, la France est particulièrement en retard par rapport aux États-Unis et à l'Allemagne et sans doute à d'autres pays, comme vous expliquez. Certains pays, comme par exemple le Canada ou Israël, ont essayé de faire des universités pour autistes. D'ailleurs, un camarade, un ami, le professeur Montubert, est en train de monter avec votre serviteur un cadre universitaire pour des personnes autistes. Ça devrait se faire. Mais disons que ce qui est triste, c'est que le paradigme général de l'université qui tendait vers une similarité avec l'autisme il y a encore un siècle ou deux, eh bien, ce soit inversé. Et que l'environnement universitaire, par exemple, avec les enseignements de première année, la non-spécialisation, la présence de foules estudiantines, parfois plus proches de, qu'en dire, certaines substances que d'Emmanuel Kant, si j'ose dire, ça complique la donne. Hein. C'est une vision, bien sûr, personnelle, mais néanmoins relativement fondée. Donc, pour le dire de façon plaisante, à mes amis autistes, parfois, je leur dis, ne faites jamais d'études d'anglais. Là, vous aurez des milliers d'autres étudiants. Faites des études de vieil éthiopien. Là, vous serez seul avec le prof, lequel sera au moins aussi bizarre que vous, donc il vous jugera normal. Là, vous aurez encore un peu un dernier parfum de ce que fut l'université, on dirait classique, où chaque maître avait 3 ou 4 élèves et parlait de sujets absolument, j'allais dire, de chez nous. Jacob Mendel, vous le connaissez, Jacob Mendel ? Qui est-il ? Ah, mais je veux dire, ça c'est... il y a le Mendel, je pense, c'est une sorte de patronyme qui ouvre un monde alors à la fois autistique, à la fois, je dirais, de la culture juive, européenne, classique. Il y a beaucoup de points, comme on parlait du Japon, mais entre, je dirais, le judaïsme européen classique et l'autisme, on retrouve beaucoup de choses aussi. C'est le personnage principal d'un livre de Stefan Zweig, Le bouquiniste Mendel, que vous citez. Vous dites que c'est une découverte littéraire récente. Et là aussi, vous en faites de même que le texte Humphrey de Dickens. Vous dites là aussi, c'est comme une description autistique. Voici le texte lui-même, donc. Jacob Mendel. Comment avais-je pu l'oublier tout ce temps? Cet homme extraordinaire, ce phénomène, ce prodige insensé. Cet homme légendaire, célèbre à l'université et parmi un petit cercle de gens qui le respectaient fort, ce magicien, ce prestigieux bouquiniste qui, assis là, sans désemparer tous les jours, du matin au soir, avait fait la gloire et la renommée du café Gluck. Il me suffit de fermer les yeux une seule seconde pour regarder en moi-même et aussitôt il apparut. Il m'apparut sur le champ, en chair et en os, à sa petite table carrée à plateau de marbre gris sale, où les livres et les paperasses croulaient. Il trônait là, immuable, ses yeux cerclés de lunettes fixés hypnotiquement sur un livre. Tout en lisant, Il grommelait et balançait de temps en temps son buste et son crâne chauve, graisseux et mal rasé. Car il lisait comme d'autres pris, comme des joueurs se passionnent pour leur partie, ou comme des ivrognes suivent une idée fixe. Je l'avais lu lire avec un recueillement si parfait que la manière dont les autres gens lisent m'a semblé depuis lors une chose profane. Sans aucun doute, le pauvre bouquiniste de Galicie, Jacob Mendel, avait révélé pour la première fois au jeune étudiant que j'étais le grand secret de la concentration parfaite, propre à l'artiste ou au savant, ou au véritable sage comme au fou intégral, ce bonheur ou ce malheur tragique qui fait de l'homme un véritable possédé. Quel texte et quelle ligne, hein, Joseph Chevenet, que cette description parfaite du bouquiniste Mendel. Oui. Et je pense, si on cherche une description de l'autisme dans la belle littérature, à mon avis, celle du Mendel des livres, Buch Mendel, en la version allemande, c'est l'une des plus justes qui soit. Et ça se comprend. Le livre, les livres peuvent représenter une porte d'entrée pour un univers plus adapté à des personnes autistes. Et je pense, après, chacun fait son archéologie de discipline comme il ou elle l'entend. Hein, mais traditionnellement, la philosophie grecque, c'était une philosophie de discussion, de causerie, hein, donc pas forcément tellement autistique que cela. Mmh. Je crois que le moment d'inflexion, c'était donc avec les deux frères Isidore de Séville et Léandre, qui, à l'époque où donc l'Espagne était dans le haut Moyen-Âge, on voyait des gens qui se guerroyaient à se taper dessus les uns sur les autres, qui étaient beaucoup plus intéressés par des choses quotidiennes que par de subtiles méditations. Ces deux frères se sont lancés dans une vie d'études avec des livres et ils ont donc lancé une sorte de tradition, hein, de vie recluse entre les livres. Hein, est-ce qu'il faut faire remonter à eux, on va dire, cette version, on va dire, érudite de l'autisme, que sais-je. D'ailleurs, c'est très intéressant dans la tradition catholique, le mot contemplation, hein, il acquiert un sens tout à fait nouveau parce que c'était donc la vie avec les livres chez Isidore de Séville par opposition, on va dire, à la vie guerrière à l'extérieur, aux occupations du quotidien. Et donc, est-ce que les autistes ne jouent pas des tours un peu dans la genèse des grandes tradition, on va dire, intellectuelle ou autre. En tout cas, on retrouve un certain nombre de points communs un peu dans, encore une fois, ce judaïsme érudit d'Europe, hein, hélas, qui appartient au monde d'hier, pour reprendre le terme de Zweig, hein, et l'autisme. Et on a un autre point commun, si j'ose dire, très curieusement, beaucoup de gens autistes portent des lunettes ou devraient en porter, tout comme les juifs religieux. Ah, c'est un gag, mais qui repose sur une observation sérieuse. C'est très perturbant quand on y songe. La phrase de Zweig, de dire la dernière phrase du texte que j'ai lu, le pauvre bouquiniste Jacob Mendel avait révélé pour la première fois au jeune étudiant que j'étais le grand secret de la concentration parfaite propre à l'artiste ou au savant, au véritable sage comme au fou intégral, ce bonheur ou ce malheur tragique qui fait de l'homme un véritable possédé. Ce qui est génial ici, c'est d'avoir dit ce bonheur ou ce malheur tragique, comme s'il y avait une option finalement, comme si on pouvait choisir. Je pense que j'utilise à titre personnel la métaphore de l'aiguillage. L'aiguillage ne bouge pas beaucoup, hein, quelques millimètres à peine, mais l'aiguillage vous envoie sur des voies totalement différentes. Et ensuite, si l'aiguillage vous renvoie sur telle voie, les gens diront « Ah, mais il n'est pas autiste parce que c'est un savant, que sais-je. » Si l'aiguillage vous envoie sur une autre voie, on dira « Ah, mais c'est un monstre baveux, hein, c'est un autiste dit lourd » ou tous les termes qu'on peut entendre. Non, c'est la même personne. Simplement, les parcours de vie ont été différents. Et à titre personnel, c'est l'un des sujets qui me fascine dans les parcours de vie de mes amis autistes. J'essaie de comprendre ce moment d'aiguillage. Qu'est-ce qui a fait que le parcours a été comme ceci ou pas comme cela? Et c'est, je pense, un sujet d'une insondable profondeur, hein, à mon avis. Hein. Peut-être qu'un jour, je parviendrai à en faire un texte plus construit, je ne sais pas. En tout cas, Zweig compare lui-même, ce qu'on pourrait appeler l'autiste, à l'artiste ou au savant ou au véritable sage. C'est-à-dire que finalement, il y a peut-être une question de degré, eu égard à la créativité dont ils font preuve. Mais permettez-moi de vous le répondre peut-être avec une petite histoire, un conte. Le conte de la vie du maître des conteurs européens, donc Andersen, hein, Hans Christian Andersen. Quand on dit ce nom-là, tout le monde pense au vieux monsieur qui raconte des contes. Ah ah, c'est une erreur grave. Sa vie réelle était très différente. Il venait d'une famille de fous. Son grand-père était considéré comme fou, son père de même. Quand son grand-père arrivait quelque part, les gens lâchaient les chiens, au sens exact, lançaient des pierres pour le chasser. Le petit Hans Christian était considéré comme cinglé. On disait de lui, il est fou comme son grand-père. Il a vécu dans le quartier les plus sordides de Copenhague. Donc il a commencé une vie d'errance à travers l'Europe. Alors, à l'époque, les gens ne connaissaient pas de Danois. Hein. Il était le seul Danois que les gens connaissaient. Donc, ils pensaient tous les Danois sont comme lui. Ben non. Et donc, c'est là qu'il a écrit ses contes. Il a inventé le genre du conteur. Ça n'existait pas en Europe à l'époque. Hein. Des contes fondés sur le visuel. Une fois que vous avez visualisé la petite sirène, vous ne l'oublierez plus jamais. Hein, cette fonction visuelle des gens autistes. Évidemment, il a vécu misérable. Et au soir de sa vie, rentré au Danemark, il était pauvre. Les gosses américains lui envoyaient des billets de banque par courrier, colis, pour qu'il puisse survivre. Ensuite, à sa mort, il y a eu une sorte de blanchissement un peu de sa mémoire. Il est devenu le héros national du Danemark. Hein, et on a oublié un peu tous ces aspects sombres. Hein. Tout comme il y a, comme on dit en anglais, un greenwashing ou un pinkwashing, vous voyez, de retoucher la mémoire des choses ou des réalités. Dans le cas de Lottie, je pense qu'il y a ça aussi. On ne garde que certains aspects des personnages illustres en occultant un peu tout le reste qui était au fond leur intime réalité. Merci en tout cas Joseph Chevenel d'être venu. Merci beaucoup à vous. Aujourd'hui de votre livre, j'ai plaisir à le rappeler, Nos intelligences multiples aux éditions de l'Observatoire. Et puis on peut aussi lire vos voyages en autistan, il y en a 3 volumes aux éditions Plon. Vous avez participé à l'adaptation en français de Comprendre l'autisme pour les nuls, on peut en se référer à cet ouvrage aussi. Et puis vous écoutez sur Europe 1, c'est le vendredi soir. Et sur la RTBF, à quelle heure ? Le vendredi après-midi, émission Entrée sans frapper. Eh bien décidément, le vendredi est votre jour, puisque nous sommes vendredi aujourd'hui. Un grand merci et à bientôt, j'espère. Merci. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps et il est l'heure de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo, vous partez d'une actualité qui est un phénomène dans l'édition, Géraldine. Ben oui, le phénomène du livre audio, resté longtemps timide sur le marché de l'édition, on le croyait réservé aux non-voyants ou à ceux qui n'aimaient pas lire, eh bien il explose désormais, s'inscrivant dans l'engouement numérique pour les podcasts, par exemple États-Unis, Suède, Allemagne, Grande-Bretagne. La France n'échappe pas au phénomène entre vente de CD et téléchargement de livres. Mais qu'en est-il de la philosophie dans ce monde du livre audio ? Quelle place pour la philo dans ces livres à écouter ? En plus de découvrir ce que nous réserve dans ce domaine l'édition audio, c'est aussi bien sûr l'occasion de donner à entendre tous ces textes et toutes ces voix qu'on aime tant. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Ah, que ferait-on au chemin et dans la vie même sans la recherche de Proust ? On serait bien embêté, surtout la version audio, vous avez raison, qu'on écoute et qu'on diffuse beaucoup d'ailleurs sur les voilà, chemins. Voilà, et notamment donc ce début, cet incipit lu par André Dussolier, et puis il y a aussi Guillaume Gallienne, Denis Podalydès, entre autres, disponible en 35 CD aux éditions Télém. C'est une des premières maisons d'édition Télém d'ailleurs à faire des livres parlants. Et dans ce domaine, il faut distinguer une maison d'édition entièrement dédiée au sonore comme Télém, FM ou Audiolib, des maisons d'édition classiques qui développent des collections audio, par exemple Gallimard avec Écoutez Livres ou Les Puffs qui se déclinent en audio. Et puis à cela, il faut aussi ajouter des acteurs dans la diffusion comme Amazon avec Audible, Google avec Google Play Livres Audio et Hachette avec Audiolib. Et sans oublier, alors là il faut suivre aussi, un label indépendant comme Frémo et Associés qui conçoit et produit des livres audio lui aussi. Bref, après ce tour d'horizon de l'édition audio, qu'en est-il donc des livres audio de philo ? Car certes Proust a un fond philosophique, mais on le classe encore en littérature. Que peut-on alors écouter comme texte philosophique ? Attente. Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé. Au gré de menus retards. Rendez-vous, téléphone, lettre, retour. J'attends une arrivée, un retour, un signe promis. Ce peut être futile ou énormément pathétique. Dans un livret musical de Schoenberg intitulé « Attente », une femme attend son amant la nuit dans la forêt. Moi, je n'attends qu'un coup de téléphone. Alors on me dit que les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, ce n'est pas forcément de la philosophie, mais quand même un peu. Là, on vient de les entendre lus par Fabrice Lucchini, et puis on peut aussi citer « Ainsi parlait Zarathoustra » par Michael Lonsdal, Nicole Garcia qui lit « La vie heureuse » de Sénèque, Jacques Bonafé, lui, « Le discours de la méthode » par Descartes, etc., etc. Alors il faut le souligner, la philosophie n'est pas boudée par l'audio, elle a sa place et même une belle place. Deux grands comédiens et lecteurs portent les textes les plus canoniques des philosophes. Mais est-ce si évident, de l'autre côté, d'écouter la philosophie ? C'est une question que l'on se pose régulièrement ici au chemin, en faisant lire des extraits de textes des plus techniques. Kant, Heidegger, Hegel la semaine dernière, aux plus imagés, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau, ou par exemple le long poème de Lucrèce de la nature des choses. Et tout l'enjeu n'est pas seulement de lire à voix haute un texte, mais aussi de le rendre audible, c'est-à-dire compréhensible et accrocheur, autant dans le sens que dans le style, sans céder à la facilité. Alors parfois, certains philosophes ont une langue qui s'y prête peu, quand d'autres ont de fait un sens musical. C'est comme toutes les choses très importantes. Plus elles jouent un grand rôle dans notre vie, plus elles nous enveloppent, et moins elles sont palpables, visibles et manipulables. Je ne sais quoi, donc ce n'est pas un nouveau concept que j'aurais inventé, qui s'ajouterait à la liste déjà longue des concepts qui meublent l'histoire de la philosophie. Si c'était pour ça que j'écrivais ces trois volumes, ça ne vaudrait pas la peine. Je prétends à autre chose, n'est-ce pas ? C'est pas un concept, c'est pas un joujou avec lequel on puisse jouer ce je ne sais quoi. Il faut bien donner un nom à ce qui n'a pas de nom, à ce qui est impalpable, et après tout, c'est le métier des philosophes et de la philosophie. Parmi les offres audio de philosophie, alors il n'y a pas que les grands textes, parfois difficiles, mais aussi, pour éclairer le tout, des cours. Alors on en trouve beaucoup de Luc Ferry et Michel Onfray, je l'ai remarqué, mais aussi des cours de Jean-François Mattei sur les présocratiques, de Patrick Thore sur Darwin. Et on trouve aussi de grandes voix, par exemple Jean Kelevitch, qu'on vient d'entendre, qui à cet égard est quand même assez incontournable. Et puis il y a aussi Bachelard en poète-philosophe, Camus qui se fait le meilleur lecteur de ses propres textes. Mais alors que faire des textes plus difficiles, des styles plus aride à l'oral, sans ne renoncer à aucune œuvre, que donner à entendre ? Eh bien, dans un texte intitulé « Voix », le philosophe Jean-François Lyotard distingue la lexis, c'est-à-dire la voix articulée qui transmet les informations, aussi logos, voix articulée de la raison, de la phonée, c'est-à-dire le ton, le timbre. Et à lire un développement rationnel, seule la voix articulée du logos semble primer. Et pourtant, le timbre est bien là. Et même mieux, on peut se demander si ce timbre et ce ton, cette autre voix qui résonne, sont peut-être précisément ce qui rend audible la voix, parfois difficile, de la raison, la voix des philosophes. Merci Géraldine, c'est un sujet passionnant. Nous, on aime bien rendre hommage aux voix qui lisent les textes de philosophie, même pour nous. Hein, Georges Clèze, depuis le début de l'histoire de cette émission, Jean-Louis Jacopin qui nous a quittés l'an dernier, Vincent Schmitt, Yvan Morane, ils sont nombreux à prêter leur voix aux textes de philosophie pour notre plus grand bonheur. Et bientôt, puisque je l'ai cité, Nicole Garcia, je disais qu'elle avait lu La vie heureuse de Sénèque, et bientôt... Elle viendra lire des textes sur l'inquiétude. Mais j'ai hâte de nous, on retrouvera Jacques Gamblin aussi. Bref, la liste est longue et surtout, elle est loin d'être close. Alors Géraldine, vous nous conseillez d'écouter des livres en particulier ? Alors je vais essayer de mettre une sélection de CD comme ça à écouter, mais effectivement ça peut être assez dur de les trouver, il faut un peu fouiller sur les sites, donc quelques indications sur le site du Journal de la Philo. Et ce sera une raison de plus de s'y référer, parce que la première raison, bah, c'est de réécouter votre chronique. Merci Géraldine. Oh,